Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Installez-vous. Oui, la disposition de la pièce a un petit peu évolué. Comme chaque jeudi, Aurélia, Linda, David et Ruben déplient leur semaine passée et ce qu'ils appellent leur météo du jour. On y va sur la météo ? Leur météo intérieure. Pour moi, ça va un peu mieux que la semaine dernière. Pour cette réunion, ils viennent spécialement du Puy-en-Velay, de Montélimar ou de Dijon, jusqu'à Lyon, où vient d'ouvrir cette structure hospitalière de jour. J'ai des spasmes, des douleurs, j'ai les CNEP. Enfin, voilà. Ces symptômes qu'on dit sans lésions organiques sont pourtant réels. Par rapport à la semaine dernière, Linda, apparemment, vous aviez fait un travail là pendant cette semaine. Pour la base de données de l'annuaire des médecins. Ensemble, elles et ils ont créé il y a quelques mois CAP-TNF, la première association de patients en France consacrée à leur pathologie, les troubles neurologiques fonctionnels. Et ici, dans cette salle, c'est la première fois qu'ils rencontrent d'autres qui leur ressemblent. C'est aussi la première fois que des médecins placent des mots sur leurs douleurs. Pourtant, leurs symptômes sont connus depuis l'Antiquité et regroupés au XIXe siècle sous le terme d'hystérie ou hystéro-épilepsie par le professeur Jean-Martin Charcot, neurologue à l'hôpital de la Salpêtrière. Les fantômes de l'hystérie, histoire d'une parole confisquée. Une série de Pauline Chanu, réalisée par Annabelle Brouard. Épisode 2, la psychiatrie, la neurologie et la psychanalyse dans l'arène. Qu'est-ce que ça vous évoque ? TNF. Moi, je ne sais pas si ce mot existe. C'est... non, parce que j'aurais dit, c'est irréalité. Ok, on prend. Complication, je dirais. Moi, je vais dire incompréhension. Et pour finir, je dirais fatigabilité. C'était des crises convulsives avec perte de connaissance. Et là, maintenant, c'est plus des... On appelle ça des crises dissociatives. Du coup, je perds contact avec la réalité. Je suis toujours là, je suis debout, je peux vous répondre, je peux parler. Mais par contre, je ne vais pas avoir de souvenir de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit. Je suis là sans être là, quoi. Moi, je n'avais pas spécialement de douleur. C'était plus une absence, en fait. Comme si la jambe était disparaissait, en fait. Quand j'étais debout, comme si la jambe gauche avait disparu, elle ne tenait pas, en fait. Comme si j'étais sur une jambe. Une impression d'étranglement, en fait. Voilà. D'enracinement, quelque chose qui nous tient au sol et qui nous empêche d'avancer, enfin qui m'empêchait d'avancer le pied. Voilà, où je veux avancer, mais on me tire sur le côté. Et puis les sensations au niveau des mains qui ne commandent plus, qui se grippent. Voilà. J'ai la chance de pouvoir conduire encore. C'est le volant, quoi. Le volant, par moments, les mains se crispent et quand on tourne le volant, les mains restent accrochées. Et à certains moments, ça ne tourne plus. Mais il faut siffler ou faut faire n'importe quoi, puis ça se débloque, allez savoir pourquoi. Puis hop, ça revient. Les muscles qui se tétanisent, des spasmes hyper importants. Et puis surtout, quand la crise est là, en fait, on a une incapacité totale de pouvoir maîtriser notre corps. Donc, il part en cacahuète, en fait, total. Voilà. Au début, moi, j'ai cru que j'étais fou, je devenais fou. Il y a le fait de ne pas savoir aussi ce que vous aviez physiquement, de ne pas avoir de diagnostic. C'était dans la tête, en fait. C'est dans votre tête, quoi. On fait plein d'examens et tout va bien. Les médecins, tout va bien, tout est normal. En gros, bougez-vous un peu. Hein. Allez, il faut vous faire un peu violence, là. Oui, mais ça ne commande pas, ça ne commande pas. Mais il n'y a rien. Tout va bien. Enfin, je veux dire... Il y a beaucoup de questions qui se posent, du coup. Qu'est-ce qui nous arrive ? Enfin, moi, j'étais perdu. J'étais perdu. Ah oui, moi que c'était dans ma tête, moi, mon médecin m'a dit mais c'est votre tête qui ne veut pas tendre votre jambe. Et elle connaissait les troubles neurologiques fonctionnels parce que c'est elle qui m'a fait venir ici, ma neurologue. Et j'ai dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Puis après, quand on me dit vous allez voir un psychiatre, j'ai dit non mais là je suis au bout de ma vie, quoi. C'est le début de la fin. Voilà. Moi j'ai eu des témoignages de personnes au téléphone qui m'ont dit que. Leur médecin leur a dit, vous êtes hystérique, rentrez chez vous, quoi. C'est blessant, parce qu'on sait qu'on est, même si on n'a pas un bleu, même si on n'a pas une fracture, même s'il n'a pas de lésion à l'intérieur, la douleur, elle est réelle. Et en fait, ça, avec les examens, on ne peut pas le démontrer. Mais on le ressent. Et quand on entend des médecins nous dire « c'est dans votre tête », ben, il ne faudrait pas qu'ils y soient dans notre tête, parce que ce serait compliqué pour eux. Quoi. Déjà, le mot TNF dans la société à l'extérieur, je l'imite vraiment à des amis très proches, ou qu'est-ce que tu as, j'ai une maladie, voilà, j'ai mon cerveau qui ne commande pas, voilà, mais après je ne rentre pas dans le détail. Déjà, on ne comprend pas, si je dis TNF, ok. C'est une supposition, mais je dirais, je suis hystérique, mais là, c'est... je ne m'approche pas de toi, quoi. Il est TNF, c'est pas contagieux. Il est hystérique, c'est pas contagieux. Mais ça fait peur. Il y a tant et tant que nous devons connaître. Toute une histoire à recréer. Depuis l'empreinte négative des mensonges, depuis les os dinosaures de la vérité, toute une histoire à créer. Depuis la note de bas de page qui nous mène à suspecter le mensonge, à un récit transmis par la vieille tante de quelqu'une, confirmé par un fragment de la tombe d'une femme d'antan, un mythe, un indice, une intuition. Si peu de temps et tant à apprendre, mais les preuves abondent. Hystérie, Suzanne Sachs, 1976. Alors là, on est à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, donc qui est un hôpital parisien situé près de la gare d'Austerlitz, qui est un hôpital qui a un long passé, enfin un long historique de prise en charge des pathologies neurologiques, un passé historique aussi de la prise en charge de ce qu'on appelait autrefois l'hystérie. Béatrice Garcin, neurologue. Il y a plein de points communs entre les patients qu'on voit aujourd'hui et ceux que décrivait le professeur Charcot. Quand on reprend les descriptions de Charcot et les photographies aussi de l'iconographie de la Salpêtrière, on retrouve en fait exactement les mêmes patients, les mêmes postures dystoniques, les mêmes troubles de la marche. Il y a effectivement un tronc commun et une sémiologie commune. En fait, dans les crises répertoriées par Charcot, qui c'était des crises qui ressemblaient à des crises d'épilepsie. Coraline Ingré, psychiatre. Qui pouvait être prise pour telle, ces crises sont une des formes possibles des troubles neurologiques fonctionnels. Mais Charcot décrivait déjà aussi d'autres types de symptomatologie, des paralysies, des dysphonies, c'est-à-dire l'incapacité à parler, des troubles visuels, des troubles auditifs, des troubles de la marche, des troubles de la mémoire. Et tous ces troubles, du moment où on pose le diagnostic de trouble neurologique fonctionnel, car on ne retrouve pas de lésion organique pour l'expliquer. Pour autant, il se passe bien quelque chose au niveau du cerveau. On ne peut pas dire « vous n'avez rien, allez donc voir un psy ». Ces crises font partie d'un grand ensemble de symptômes que l'on appelle maintenant trouble neurologique fonctionnel. C'est extrêmement fréquent. C'est le deuxième motif de consultation en neurologie. Autour de 5 à 10% des patients qui présentent un trouble neurologique fonctionnel. Il y a encore beaucoup de mystères, en fait. On commence à voir des modèles qui expliquent un petit peu comment les symptômes surviennent, mais en fait, en réalité, on ne sait pas encore très bien pourquoi les patients ont ces symptômes. Qu'est-ce qui fait qu'un patient va avoir un symptôme? Qu'est-ce qui fait qu'il va avoir un symptôme plus qu'un autre? Pourquoi chez certains des crises, chez d'autres un tremblement? Et ça reste encore assez mystérieux. Un hectare. Des allées longues comme des rues, des bâtiments à perte de vue regroupés en quartiers, des cours de récréation, des chalets isolés et même un estaminet. Une ville de 4000 habitants dans la ville. Une population grouillante donc, qui erre, qui pleure, qui gémit, qui s'entasse dans des dortoirs trop petits. La Salpêtrière des années 1840 est bien une cité. Elle est même une capitale, celle de la douleur, de la folie et de l'indigence au féminin. Derrière ces hauts murs, cordons sanitaires protégeant Paris, elle accueille aussi bien des malades somatiques, des vieilles indigentes que des folles. Yannick Ripa, La Ronde des Folles, 1986. la Salpêtrière, c'est, disons, un grand bazar. Et je me permets le terme parce que la Salpêtrière est très critiquée à son époque. Aude Fauvel, historienne. C'est un endroit donc, qui est public, hein, donc c'est par définition des gens qui n'ont pas d'argent, qui vont à l'hôpital de la Salpêtrière, qui est énorme, c'est une ville dans la ville, ça reste aujourd'hui une ville dans la ville, sauf qu'il faut s'imaginer que Paris est beaucoup plus petit. Avec des centaines, voire milliers de personnes qui sont à la Salpêtrière. Et c'est les personnes qu'on ne sait pas tellement où mettre ailleurs. Donc ce sont des femmes que leur famille ne veut plus. Donc la Salpêtrière, c'est uniquement des femmes. C'était un profil de femmes du peuple, de femmes ouvrières, qui avaient très peu de revenus. Donc dès qu'elles étaient malades, elles ne travaillaient plus. Nicole Edelman, historienne. Et on a vraiment tous les petits métiers domestiques, quelques institutrices, très très peu. Dans l'ensemble, des plumassières, des blanchisseuses, des piqueuses, enfin tous les petits métiers qui sont là. À la Salpêtrière, on prend les femmes mendiantes, mais aussi de plus en plus les filles de joie, les folles, les orphelines, les libertines, les protestantes, les paralytiques, les crétines, les juives, les impies, les criminels, les ivrognes, les mourantes, les sorcières, les mélancoliques, les aveugles, les adultérines, les homosexuels, les épileptiques, les voleuses, les magiciennes, les convulsionnaires, les séniles, les idiotes, les cartouchiennes, les dépravées, les intrigantes, les érotomanes, les filles gâtées, les suicidaires, les bohémiennes, les filles grosses. Mélangées, entassées, vieilles, jeunes, enfants, la confusion des genres. Watch. Les familles, les voisins, les maris demandent, dénoncent. Le roi signe, la police rafle. C'est un grand renfermement, comme le disait Michel Foucault. Vous avez des allées de chalets dans lesquelles on va mettre certaines femmes. Yannick Ripa, historienne. La Salpêtrière, c'est aussi des dortoirs immenses. C'est la camisole, c'est le cachot, c'est le bruit des serrures. Et puis, cette chose qui nous semble proche de l'impensable. C'est-à-dire que le dimanche, les Parisiens, ils aiment bien aller à la Salpêtrière et envoyer du pain aux femmes qui sont de l'autre côté. 5000 femmes. Une fois par an, un rituel étrange, grotesque, sous la protection des médecins. Le bal des folles de la Salpêtrière, carnaval effrayant, mêlant rêves et fantasmes, Parisiens déguisés en fous, vraies folles déguisées en reines, tous ensemble, dansant, au son de l'orchestre, visages grimés, masqués, effarés, lampions, magiciens, friandises. La Salpêtrière se meurt dans ses murs léprosés. Avant 1838, on se contente d'enfermer, on ne diagnostique pas, on ne cherche pas à soigner les gens. Alors évidemment, quand on voit qu'à la Salpêtrière, parmi les traitements, c'est de l'hydrothérapie, mais qui consiste à vous laisser dans une baignoire, enfermée jusqu'au cou, ce qui évoque à beaucoup, vu la proximité de la Révolution française, la guillotine, la camisole de force est une horreur. Vous avez toutes les mesures de contention, notamment contre l'onanisme. Vous avez des espèces de ceintures de sacheteté en cuir. Vous avez des heures et des heures attachées à votre lit avec des espèces de lacets qui faisaient que la peau était lacérée, qui se développaient des maladies dermatologiques. Il y a toute une invention de machines qui, quand on voit les dessins, on se dit que ça relève davantage de la torture que de la thérapie. Le bâtiment de soins, trop vétuste, est évacué. Aliénés, épileptiques et hystériques sont enfin séparés. 1862. Charcot est nommé chef de service. On lui confie le nouveau quartier spécial des épileptiques. Charcot devient maître des lieux de cet enfer, entre en possession de son musée pathologique vivant. Charcot, chaque jour, se plonge dans la vie de toutes ces femmes, visite les bâtiments, les cours, les dortoirs, feuillette les gros registres sur lesquels continuent de s'inscrire, jour après jour, leur drame. 1862, prénom, âge, profession, maladie, cause présumée de la maladie. Marguerite, 48 ans, domestique, mélancolie profonde, jalousie, amour. Victorine, 50 ans, brunisseuse. Virginie, maniaque, 11 ans, les répandus, épileptique. Octavie, 41 ans, giletière. Berthe, 17 ans, blanchisseuse, ennui. Épileptique, peur. Jeanne, 60 ans, journalière. Jeanne, 6 ans, épileptique, idiote, frayeuse. Viscou, Adèle, 36 ans, délire. Henriette, 16 ans, brunel d'âge, imbécilité. Marie, Adèle, tristesse, les répandus, affection, intellectuelle. Jeannette, 11 ans, terreur, les répandus, onanisme, terreur, anxiété, peur. Louise, chagrin, peur, peur, peur. Maki Xenakis, Les folles d'enfer de la Salpêtrière, 2004. Dès le départ, en fait, il y a un trouble autour de l'hystérie, c'est-à-dire que les gens ne sont pas d'accord. Certains considèrent que c'est dans l'utérus. Donc si c'est dans l'utérus, bah c'est que les femmes. D'autres considèrent que c'est dans le corps, mais pas forcément que l'utérus, ou pas prioritairement l'utérus, donc ce serait plutôt éventuellement dans les nerfs. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de moment où on est complètement d'accord sur l'hystérie, à aucune époque. En revanche, là où il y a vraiment une bascule qui se fait sur un modèle, on va dire, de médecine expérimentale, c'est autour du moment Charcot. Donc là, on est à la fin du 19e siècle. Charcot, qui est un neurologue et qui dit « c'est une maladie neurologique ». C'est vraiment à voir avec le système nerveux et prioritairement le cerveau. Charcot, lui, va donc à partir des années 1870 jusqu'à sa mort en 1893 avoir un matériel, parce que c'est comme ça qu'il parle, un matériau humain très important à la Salpêtrière, de femmes avec lesquelles il travaille beaucoup sur toutes les maladies neurologiques. Et il va recevoir un service d'épileptique et d'hystérique non aliéné à la Salpêtrière. Et là, il va vraiment se mettre à travailler pleinement sur les hystériques. Très vite, dès les années 1880, donc après avoir travaillé sur des femmes, enfin sur, avec des femmes, bon, je dis sur, c'est assez péjoratif, mais c'est vraiment le terme qui me semble exact, il va dire que les hommes... Tous les hommes peuvent être hystériques, puisque pour lui, il y a une hystérie mâle, comme il dit, c'est son terme, un hystérique mâle, qu'on trouve essentiellement parmi les artisans, parmi les ouvriers, et surtout parmi les ouvriers du chemin de fer. Donc, pour lui, il y a une égalité de l'hystérie entre les hommes et les femmes. Il le dit, mais dans ma recherche, j'ai montré qu'en fait, la distinction est toujours très forte, en particulier... Toutes les femmes peuvent être hystériques, alors que très vite, des années 85-90, il va dire que seuls les parias, la lie de la société parmi les hommes, peuvent être hystériques. Donc là, il correspond tout à fait aux conceptions sociales et politiques de la Troisième République en France. Il faut rappeler que Charcot, il est à la tête du service de neurologie de la Salpêtrière. Or, la Salpêtrière, c'est un hôpital de femmes. Donc, les gens, ils viennent aux leçons du mardi de Charcot. C'est des patientes femmes qui leur sont montrées. C'est des femmes dont il parle. Et les patientes qu'il a à traiter dans sa pratique publique, ce sont des femmes. Chers amis, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. La malade que vous allez voir aujourd'hui s'appelle Augustine. Augustine a 19 ans. Elle a des attaques d'hystérie depuis plusieurs mois et présente tous les symptômes de ce qu'on a décrit comme l'hystérie ovarienne. Vous remarquerez en premier lieu la paralysie de l'œil droit. C'est un beau spécimen de ce qu'on appelle le clin d'œil hystérique. Nous allons mettre Augustine sous hypnose. Et par l'hypnose, nous allons reproduire cette crise telle que nous l'avons vue à l'état naturel, pour mieux l'identifier, mieux l'observer, et mieux en classifier les symptômes. Monsieur Bonneville, vous pouvez hypnotiser Augustine quand vous voulez. On voit que c'est un moment d'espèce de calme avant la tempête. Il y a ce que Charcot appelle l'aura, c'est-à-dire une sorte de pressentiment que la crise va arriver. Il y aurait un grand cri, une sorte de cri... Certaines parlent d'un coup de fouet, donc quelque chose de très rauque, de très violent, de cri du loup, enfin bon. Et là, les convulsions commencent. Maintenant. Subitement, elle est prise de spasmes et de tremblements. Donc elle tombe par terre, elle est prise de convulsions. Regardez les plumes du chapeau. et elle se contorsionne. C'est ce que Charcot va appeler la période du clownisme. Et puis ensuite, on peut avoir aussi des phases presque extatiques ou qui évoquent un peu des phases orgasmiques, qui peut carrément, de façon assez impressionnante, se traduire par ce qu'on appelle l'arc d'hystérie, c'est-à-dire la personne se voûte en arrière et fait comme un arc sur son dos, où elle se crispe. Et puis une période de délire, où elle parle. Et là, Charcot le rattache justement au neurologique et pense que ça n'a aucun intérêt, c'est purement neurologique, ça fait partie de la crise. Donc il ne les écoute pas. Charcot dit, lui, moi je fais de la médecine à Claude Bernard, j'ai des expériences, je peux démontrer que c'est une maladie neurologique parce que je peux reproduire. Et c'est cette fameuse idée que l'hypnose sert à induire des états nerveux, et si on peut induire l'hystérie, eh ben, d'après Charcot, ça démontre que c'est purement neurologique. Et ça va, sur le moment, convaincre tout le monde. En plus, il va prendre des photographies. Donc là, c'est le côté mesurable, hein, reproductible. Et donc là, je dirais, il apporte une rhétorique scientifique lourde, et que là, on entre dans la vraie science médicale. Pour lui, quand on est en état d'hypnose, on peut reproduire toutes les phases de l'hystérie. En effet, il va reproduire des paralysies, s'amuser, si je puis dire, à faire passer la paralysie du bras droit au bras gauche, même d'ailleurs d'un malade à un autre, semble-t-il, à déparalyser, c'est-à-dire à ordonner de ne plus être paralysé. Mais ce n'est pas un soin, ce n'est pas le soin de l'hystérie. Donc l'arsenal thérapeutique chez Charcot, il y a d'abord ce qu'il estime qui peut déclencher la crise, mais donc si ça peut déclencher la crise, ça peut l'arrêter. C'est-à-dire que donc bah il y a l'hypnose, et puis après il y a les options, on va dire, plus physiques, en compressant les ovaires, qui permet, d'après Charcot, hein, d'impressionner le système neurologique avec les points. Donc les médecins utilisent les points, c'est un truc qu'on voit encore au milieu du XXe siècle, ça se faisait encore. Hein. Et on invente aussi tout plein de dispositifs, des espèces de ceintures de compression des ovaires que les femmes peuvent porter, et puis si elles sentent qu'elles ne se sentent pas bien, elles pourraient, par exemple, elles-mêmes s'auto-compresser les ovaires. Il est écrasé avec des tampons les ovaires des femmes, donc il y avait un lien évidemment avec l'utérus, puisque les ovaires en particulier sont évidemment tout à fait liés. Charcot donc faisait des traitements électriques qui étaient souvent assez douloureux, ou bien par l'hydrothérapie classique. On vous met dans une baignoire avec de l'eau chaude ou froide, parfois l'eau bouillait trop fort et les femmes mouraient. Et puis les douches avec violence qui provoquent des chocs nerveux. Si on lit l'iconographie, on se rend compte qu'on leur administre tout un certain nombre de drogues, de chloroforme, enfin de nitrite d'amyl, d'éther, pour les calmer lors de leur crise. Il y a plein de patientes de l'époque qui, en fait, vont finir complètement addictes à ces substances-là parce qu'elles y ont été trop confrontées. Tu sais ce qu'il t'a dit ? Qu'il m'avait touchée, mais je n'ai pas voulu. Il y avait un serpent dans sa culotte. Il voulait le mettre dans mon ventre. Tu as un serpent dans ta culotte. Oh ça ! Je ne veux pas de ça ! Je ne veux pas de ça dans mon ventre ! Tu n'y arriveras pas, je ne veux pas de ces choses-là ici ! C'est terminé. Toi, s'il vous plaît, portez ces plaques dans la chambre noire. Désiré Magoire Bourneville, qui est un aliéniste, lui, donc un psychiatre, comme on ne dit pas encore, qui va travailler 3-4 ans avec Charcot, va lui, dans l'iconographie photographique de la salpêtrière, donc qui est faite de photos, mais aussi de textes, va prendre en note des dires, une verbalisation de ces hystériques, et toutes parlent de viol ou de violence sexuelle. Alors c'est vraiment le père, l'oncle, l'employeur, elles expriment ça de façon extrêmement violente. Charcot, il ne veut pas le savoir. Et ce que fera en revanche Freud, Freud passe en 85-86 plusieurs mois dans le service de Charcot. Donc il va évidemment entendre ces femmes, en voir beaucoup, et s'apercevoir de ces violences et des violences sexuelles. On passe d'une clinique du regard chez Charcot à une clinique de l'écoute chez Freud. Aurélie Cachera, psychanalyste. Il faut savoir que Freud a été à la Salpêtrière. Il a suivi les leçons du mardi, il a même traduit les leçons du mardi de Charcot, il a un peu vénéré Charcot comme un maître absolu, etc. Puis, il s'en est aussi distancié. Donc les femmes de la Salpêtrière, ce sont des femmes issues des faubourgs, c'est le peuple laborieux parisien, elles sont lingères, couturières, voilà. Et elles n'ont absolument aucun espace de parole, et donc elles vont faire des crises absolument spectaculaires qui reflètent en fait cette non-écoute, cette absence d'espace de parole qu'elles ont pour se faire entendre. Et Freud, en fait, très vite, même déjà à Paris, va se rendre compte que finalement, on ne les écoute pas, vraiment, et qu'elles sont déjà en train de parler de leur traumatisme. Ce sont les femmes qui sont à la Salpêtrière ne sont pas du même statut social que les patientes freudiennes. Et donc, les patientes ensuite freudiennes sont des bourgeoises. Elles ont déjà un peu plus d'espace de parole, mais pour autant, elles ont aussi des contractures, elles ont des paralysies. Au fur et à mesure, Freud va leur donner un espace de parole qui va faire qu'elles n'ont plus besoin, en réalité, d'avoir des crises aussi spectaculaires, puisqu'elles sont écoutées. Le lien de la psychanalyse avec l'hystérie est extrêmement étroit. Freud, il a mis 10 ans pour s'éloigner des tests de Charcot. Il va reconnaître que non seulement les maladies, et notamment l'hystérie, ne sont pas purement neurologiques, ne sont pas des névroses de l'encéphale ou des névroses cérébrales, mais qu'elles sont psychiques et qu'elles sont liées à des traumatismes sexuels. Les études sur l'hystérie, c'est l'ouvrage souvent qu'on dit fondateur de la psychanalyse. C'est 5 études de cas de 5 femmes. Et parmi ces patientes de Freud, il y a un cas que je trouve extrêmement parlant, qui est le cas Elisabeth von R., qui est une patiente qui souffre d'abasie. Donc en fait, elle n'arrive pas à marcher, elle est paralysée de la jambe, elle a une difficulté comme ça à marcher. La malade me surprit peu après en me communiquant qu'elle savait maintenant pourquoi les douleurs partaient toujours précisément d'un endroit bien précis de la cuisse droite et étaient là les plus violentes. C'était en effet, dit-elle, l'endroit où chaque matin était posée la jambe du père pendant qu'elle changeait les bandages dont elle enveloppait la jambe fortement enflée. Cela s'était sans doute passé ainsi, dit-elle encore, des centaines de fois. Et curieusement, elle n'avait pas pensé jusqu'à aujourd'hui à cette corrélation. Elle me livrait ainsi l'explication souhaitée de l'apparition d'une zone hystérogène atypique. Sigmund Freud, Études sur l'hystérie, 1895. Dans l'acception freudienne de l'hystérie, il y a cette idée au tout début qu'en fait, il y a un conflit psychique. La névrose, c'est un conflit psychique. Et donc, il y a une représentation irréconciliable et est rattaché à cette représentation irréconciliable un affect. La représentation, l'événement traumatique ou le fantasme qui est à l'origine de cette représentation va être refoulé par la personne, mais l'affect qui est lié à cette représentation, au traumatisme, ne va pas être refoulé et va devoir être abréagi par le corps. Et donc, c'est ça qui est à l'origine, en fait, de ce que Freud appelle la conversion hystérique, c'est-à-dire que l'affect va être converti dans le corps et va être abréagi par une forme de crise ou de symptômes qui va se voir, de paralysie, etc., etc. Sa première théorie, c'est de dire mais en fait, l'hystérique souffre de réminiscences. Et c'est ces réminiscences traumatiques qui créent, en fait, le symptôme. Sauf qu'il va revenir sur cette idée. Il va revenir sur cette idée parce qu'elle est gênante. Notamment parce que toutes les patientes qu'il a à cette époque, c'est plutôt des patientes d'un milieu bourgeois qui, en fait, par leurs souvenirs, mettent en cause un peu les notables, les oncles, les pères de ces jeunes femmes et qui les mettent en cause sur des questions d'inceste, d'abus sexuels, de pédophilie. Mais c'est pas possible. C'est quand même pas possible qu'il y en ait autant. Il y a un paragraphe où il dit ça mot pour mot. Cher Willem, me voilà rentrée depuis hier matin et c'est à toi que j'écris en premier après m'être réinstallée. Et maintenant, je vais tout de suite te confier le grand secret qui, au cours des derniers mois, s'est lentement fait jour en moi. Je ne crois plus à ma neurotica. Cela n'est sans doute pas compréhensible sans explication. Je vais donc commencer historiquement et te dire d'où sont venus les motifs de mon incroyance. Les déceptions continuelles dans les tentatives pour mener une analyse à son véritable terme. Ensuite, la surprise de voir que dans l'ensemble des cas, il fallait incriminer le père comme pervers, sans exclure le mien. Le constat de la fréquence inattendue de l'hystérie, où chaque fois cette même condition se trouve maintenue, alors qu'une telle extension de la perversion à l'égard des enfants est quand même peu vraisemblable. Puis, troisièmement, le constat certain qu'il n'y a pas de signe de réalité dans l'inconscient, de sorte que l'on ne peut pas différencier la vérité et la fiction investie d'affect. Lettre de Sigmund Freud à Wilhelm Fliess du 21 septembre 1897. Et c'est comme ça qu'il revient un peu sur sa théorie, il abandonne la neurotica pour dire finalement c'est le fantasme qui rend malade. Marianne, psychanalyste. C'est-à-dire qu'il passe de l'idée l'origine de l'hystérie serait un traumatisme réel à l'origine de l'hystérie serait le fantasme. C'est-à-dire que cette jeune fille, elle n'a pas forcément vécu très directement en fait des abus, elle l'a fantasmé. Et pour asseoir ce fantasme, découle l'Œdipe. La jeune fille, amoureuse de son papa, ou fantasme des choses sexuelles pas bien avec son papa, ou une image paternelle, un homme plus vieux qu'elle quand elle est adolescente. Et le fantasme peut rendre tout autant malade que le trauma réel. Et c'est de ce fantasme, en fait, et de cette fixation fantasmatique que souffre l'hystérique. Évidemment que le fantasme peut rendre malade, entre guillemets. Évidemment que le fantasme, il peut être l'objet d'une fixation qui, à un moment, fait symptôme. Pour autant, en fait, réduire la notion de l'hystérie à cette question fantasmatique, eh ben là, il y a eu un drame. Et je pense que depuis des années, la psychanalyse se bat pour maintenir ce déni du trauma réel. Ouais, en fait... Ouais, ça c'est que... c'est là où c'est compliqué pour la psychanalyse en réalité. Il y a quelque chose qu'il faut quand même comprendre par rapport au complexe d'Œdipe, c'est que c'est pas du tout une sexualité génitale. Quand on parle du complexe d'Œdipe en psychanalyse, on se dit pas que l'enfant veut coucher avec sa mère ou coucher avec son père, c'est pas ça. L'enfant à ce stade-là n'a pas du tout de conception génitale de la sexualité, c'est dormir dans le même lit qu'eux, ou passer plus de temps avec, ou être en rivalité avec l'autre parent. En fait, ce qui est compliqué, c'est que il faut prendre en considération le fantasme, c'est extrêmement important, dans la façon dont s'articule le psychisme de chaque individu, mais il faut aussi prendre en compte le trauma effectif. Et c'est là où aujourd'hui, la psychanalyse doit continuer à évoluer et à se positionner peut-être différemment, c'est-à-dire que il faut peut-être regarder aussi ce qui a été fait du côté de Ferenczi, qui est un contemporain de Freud, sur le trauma, et ne pas tout de suite balayer en disant c'est du fantasme, ça n'a pas réellement eu lieu. Mais c'est aussi comme ça qu'on décrédibilise en fait des paroles, et aujourd'hui la parole des femmes. J'ai jamais vu des psys, des profs se mettre autant en colère que quand on parlait de la notion d'hystérie telle qu'on me l'a enseignée en tout cas. Elle est extrêmement misogyne et violente. Il me faut faire une courte digression et vous dire ce que l'hystérie. D'abord, une manière d'aimer. Une mauvaise manière d'aimer qui finit souvent mal. France Inter, novembre 2022. Pourquoi ? Parce que la personne hystérique séduit l'autre en faisant tout pour être conforme à ce que l'autre veut qu'elle soit. Plus exactement, conforme à ce qu'elle croit que l'autre veut qu'elle soit. Si moi, hystérique, je crois que mon partenaire veut que je sois séduisant, je vais l'allumer, oui, mais pour le décevoir ensuite. Le problème, vous dis-je, c'est que cette manière d'aimer rate toujours, parce que le partenaire est invariablement frustré, car il découvre, tôt ou tard, que son couple repose sur un amour factice. Quand il dit que l'hystérique séduit en faisant croire à l'autre quel est l'objet de son désir. Mais si on considère que l'hystérique, c'est la femme, mais bien sûr qu'elle séduit en faisant croire quel est l'objet du désir de l'autre. Mais parce que c'est ce qu'on lui a appris à faire dans une société patriarcale, dans une société genrée comme elle est aujourd'hui. Mais c'est terrible, parce que cette injonction, elle est annihilante, en fait, cette injonction à être l'objet du désir de l'autre, elle empêche d'être un sujet. C'est ça qu'il nous dit. Et ça, en fait, il le pathologise. J'ai pu affirmer dans un livre que la vie sexuelle des patients hystériques était très paradoxale. D'un côté, ils sexualisent toute relation sociale par leur comportement trop sensuel, leurs attitudes voluptueuses et même par leur obsession de modifier les formes de leur corps grâce à la chirurgie esthétique. J'ai des patientes qui sont tout le temps chez le chirurgien esthétique. Donc d'un côté, ils sexualisent tout. Et de l'autre, ces mêmes patients sont dégoûtés par tout ce qui est génital et présentent souvent des troubles d'inhibition sexuelle. En un mot, chez l'hystérique, le sexe est partout, sauf là où il devrait être. Vous voyez qu'il y a aussi des psychanalystes qui pathologisent l'hystérie, voilà. Sylvia Lippi, psychanalyste. Quand on parle des structures hystériques, on ne parle pas des pathologies. Je pense que de Freud à Lacan, et jusqu'à aujourd'hui, il est très important que quand on dit structure clinique, on ne dit pas maladie, on ne dit pas pathologie. On dit simplement une modalité d'organisation et en quelque sorte une solution plus ou moins provisoire à travers la formation du symptôme pour exister dans les liens sociaux. Il n'y a pas de pathologie, il y a simplement des organisations du désir à partir de ces traumas inconscients propres à chacun. Donc en disant hystérie, je ne dis rien de pathologique. S'ils le font, c'est un problème. Et c'est, encore une fois, je pense que c'est notamment le devoir des psychanalystes de ne pas renvoyer les personnes qui viennent les voir à la maladie. Là où ça fait écho, c'est que c'est un terme qui m'a accompagnée dès toute petite. Et notamment parce que dans mon enfance, être hystérique, en fait, c'était une insulte dans la bouche de mon père, qui était psychiatre et qui était extrêmement violent psychologiquement avec ma mère. Et en grande partie quand elle s'opposait, en fait, à son discours, à ses injonctions paradoxales. Et du coup, il y avait cette phrase comme ça qui nous poursuivait dans la famille, en tout cas qui poursuivait la féminité, qui était... T'es complètement hystérique, ma pauvre fille. T'es complètement hystérique, ma pauvre fille. Ça vient, bam, ça vient arrêter. Le problème, c'est que ça vient arrêter la vie, psychique aussi. Hein. Parce que ça dit, à la fois, ça pathologise, et à la fois, ça pathologise de manière péjorative. C'est-à-dire que là, d'un coup, c'est utilisé comme une insulte. Et ça inscrit l'idée en moi que être en colère, c'était être folle. L'hystérique, à travers ses symptômes, permet au traumatisme de sortir. Et évidemment, ça cause crise d'angoisse, crise des larmes, somatisation physique, brûlure d'estomac, paralysis, cécité, etc. Cette expérience traumatique n'est pas quelque chose qui reste au niveau individuel. C'est comme si, parlons au féminin, déjà qu'on y est, et c'est comme si la patiente... elle montre, elle exprime à travers son symptôme ses traumatismes au niveau de la société. Et donc, en quelque sorte, c'est comme si l'autre est obligé de faire les comptes avec ses traumatismes. L'expérience de MeToo, a un peu eu pour moi cette importance. C'est-à-dire les traumatismes est renvoyé au monde hétéropatriarcal, au monde phallogocentrique, comme disait Derrida. Ce monde-là est obligé de voir les traumatismes, qui est les traumatismes des femmes hystériques, mais aussi les traumatismes d'une société entière qui a vécu d'une certaine façon. En psychanalyse, en général, c'est très difficile de penser les femmes ensemble. On pense toujours aux les frères réunis dans leur désir parricide, ou alors Lacan qui dit que c'est les phallus qui fédèrent un groupe ou une société. La question est comment penser alors cette manière de lutter ensemble. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut repenser certaines bases de la psychanalyse. Il y a quelque chose qui nous manque. En psychanalyse, l'hystérie est une névrose, c'est-à-dire que c'est une façon spécifique, subjective d'être au monde. Dans l'acceptation plus psychiatrique, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, en fait, l'hystérie a été complètement radiée des manuels de psychiatrie, du DSM, parce qu'il y a dans la conception qu'on a de l'hystérie, que c'est forcément de la simulation. Parce que, et ça c'est Charcot, puis la psychanalyse, mais déjà avant lui, la médecine le voyait, dans l'hystérie, en fait, il n'y a pas de lésion organique. Donc il n'y a pas de chose physique dans le corps qui va expliquer pourquoi la personne fait des crises plus ou moins spectaculaires, ça dépend évidemment de l'époque à laquelle on se situe, mais il n'y a pas de lésion organique, donc on ne comprend pas. Et c'est ça qui fait qu'il y a une énigme autour de l'hystérie et qu'on en parle encore aujourd'hui, en réalité. Et donc, puisqu'on ne comprend pas, on va dire que les femmes simulent. Un siècle s'est écoulé. L'hystérie n'a pas disparu. Le praticien a cependant rarement l'occasion d'observer le déroulement de la grande crise telle que Charcot l'a décrite. Le langage du corps, 1967. Il s'agit véritablement d'un langage nécessitant la présence d'un interlocuteur. La signification reste hermétique pour le sujet. Devant cette variété de manifestations multiples, labiles, étranges, dont le caractère outrancier et ostentatoire le frappe, le praticien a tendance à nier le trouble qu'il ne ressent pas comme vrai. Il lui est cependant difficile d'éluder la réalité clinique et de nier le fait que derrière ce symptôme se dissimule un drame venant des profondeurs. Aujourd'hui, si vous me demandez quelle est la place de l'hystérie dans la psychiatrie française, je vous dirai qu'elle n'a plus lieu d'être. Coraline Ingré, psychiatre. Que c'est un terme qui devrait être absolument banni, parce qu'il n'a plus de signification. Personnellement, je ne considère pas qu'on va retrouver de l'hystérie dans l'anorexie, dans la dépression, dans les borderline, dans les histrioniques. Je considère que faire cette corrélation, c'est juste vouloir coller un modèle qui est un modèle psychanalytique sur un ensemble de troubles, de symptômes, de syndromes que l'on décrit à l'heure actuelle. Et donc, pour moi, si l'hystérie a disparu des classifications américaines et internationales, c'est une très bonne chose. Et ne cherchons pas à aller coller des représentations du passé à aujourd'hui sans bénéficier de l'ensemble des éclairages possibles autour de ça. Ce que j'ai découvert sur le terrain donc de la psychiatrie hospitalière et ambulatoire, donc c'est la psychiatrie publique française, c'est qu'en réalité, le diagnostic est toujours utilisé dans les pratiques. Julia Legrand, sociologue. L'hystérie, quelque part, change de nom et prend le nom de trouble histrionique. Mais en plus, d'autres travaux montrent que l'hystérie, en fait, a une symptomatologie qui regroupe complètement tous les troubles de la personnalité, notamment les troubles de la personnalité borderline. Et ça, c'est ce que j'ai retrouvé sur mon terrain, puisqu'en fait, systématiquement, les hystériques étaient aussi catégorisés bipolaires ou maniaco-dépressives. Alors après, l'inverse n'est pas forcément vrai. Il y avait aussi des bipolaires et des maniaco-dépressives qui n'étaient pas hystériques. Donc là, on en arrive à la question, pourquoi certaines sont aussi hystériques? Et là, c'est une réponse, moi je vais apporter une réponse sociologique, c'est que ce sont des patientes qui sont considérées par les soignants comme en demande vis-à-vis de l'institution. Donc c'est dans la continuité de cette idée qu'elles sont pénibles. Alors je dis des patientes parce que c'était systématiquement des femmes. Mais si on inverse cette proposition, en fait, c'est aussi que l'institution ne répond pas aux demandes des patientes. Et quelles sont ces demandes? Avoir d'autres traitements que médicamenteux, avoir des traitements qui ne sont pas sous contrainte. Et ça, ça nous dit aussi quelque chose de la structure de l'hôpital public et en fait de la psychiatrie publique dans son ensemble, c'est-à-dire structure qui manque de moyens humains notamment, et donc qui ne peuvent pas fournir d'autres réponses que médicamenteuses parce que c'est plus rapide, c'est moins coûteux en termes de personnel, en termes de temps, etc. De toute façon, c'est une catégorie qui est pleine de paradoxes parce qu'elle est un peu contradictoire dans les termes. Par exemple, le fait que les psychiatres considèrent que les patientes hystériques sont, sur mon terrain en tout cas, sont simulatrices, manipulatrices. Donc en fait, leurs troubles, quelque part, ne sont pas vraiment réels. Et en même temps, ils leur prescrivent des traitements extrêmement lourds, comme les neuroleptiques qui sont utilisés pour les troubles psychotiques, et ou, parfois en même temps, des thymorégulateurs qui sont des traitements pour réguler l'humeur, et ou des anxiolytiques et des antidépresseurs. Il y a quand même des traitements médicamenteux massifs pour des personnes qui auraient des troubles qui sont un petit peu simulés. Donc ça, c'est quand même déjà un paradoxe. Mes bras battaient l'air, mes genoux s'entrechoquaient. Je tremblais, comme en proie à une attaque. Étrangement, ma voix n'en était pas affectée. Elle ne changeait pas du tout. Abasourdi par ce qui m'arrivait et terrifié à l'idée de tomber, je parvins à garder mon équilibre et à continuer en dépit du mouvement d'avant en arrière. Quand j'eus fini de parler, le tremblement s'arrêta. Je regardais mes jambes. Elles avaient pris une coloration rouge foncé, tirant sur le bleu. Ma crise avait été de nature hystérique. Ce terme ancien a été pratiquement abandonné dans le discours médical actuel et remplacé par celui de trouble de conversion. Mais sous le terme nouveau demeure l'ancien qui le hante tel un fantôme. Alors, je m'appelle Lucille, j'ai bientôt 28 ans. Je suis avocate depuis 2 ans. En été 2021, dans le cadre d'un dossier, j'ai défendu un violeur. En novembre 2021, je replaide un dossier similaire et mon bras a commencé à plus bouger. Et je ne m'en rendais pas compte. Je rentre au cabinet, je fais 1 heure de route et ensuite j'arrive, j'étais même allée chercher des gâteaux, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, je fais tomber mes gâteaux parce que je ne peux rien tenir du bras gauche. Et c'est là que ma meilleure amie me dit « Mais Lucille, ton bras, il bouge pas. » Mon bras ne faisait plus partie de mon corps et ça me posait aucune difficulté. C'était comme ça. Mon bras était mort pour moi. Mon bras ne fait plus partie de mon corps. Je l'appelle par un prénom. Et c'est les médecins. C'est justement alors un neurologue à Créteil qui m'a sauvée, hein. Et il me dit « Mais madame, n'appelez jamais votre bras par votre prénom et je pense que vous avez ce qu'on appelle un trouble de l'intention. » Alors au début, je ne savais pas ce que c'était un trouble de l'intention. Mais il me dit « En gros, voilà, votre problème il est neurologique, vous n'êtes pas folle. Votre cerveau pense que votre bras est mort. » La femme saisie de tremblement me donnait l'impression en même temps d'être et de ne pas être moi. Du menton au sommet du crâne, j'étais moi, telle que je me connaissais. De mon cou à mes pieds, j'étais une inconnue grelottante. Quoi qu'il me soit arrivé, quelque nom qu'on veuille donner à mon affection, mon étrange crise devait comporter une composante émotionnelle en rapport d'une façon ou d'une autre avec mon père. Je décidai de partir à la recherche de la femme qui tremble. J'ai eu une paralysie totale du bras gauche pendant 3 semaines. Ensuite, ça a été la jambe gauche. Et là, maintenant, ça va jusqu'au visage, l'œil, la mâchoire, les oreilles. Donc, c'est de l'intégralité de mon corps gauche. Donc, ça migre. C'est un trouble neurologique fonctionnel. J'ai eu une chance d'être tombée sur des médecins qui m'ont diagnostiqué aussi rapidement. J'ai eu, en fait, un réveil d'amnésie traumatique. Je me suis rappelée que j'avais certainement subi une agression sexuelle ou un viol quand j'étais mineure. Et moi, j'arrêtais pas de dire l'été dernier que j'avais l'impression d'être brûlée vive. J'ai senti en fait que ce dossier pouvait, de près ou de loin, me ramener à moi une de mes plus grandes souffrances que j'avais du coup cachée pendant 20 ans. Thank you. enfin, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, ces patients, ils sont un peu dans un no man's land. Le neurologue leur dit, vous avez rien de neurologique. Puis le psychiatre leur dit, vous avez rien de psychiatrique. Et finalement, personne ne les prend en charge. Et le traitement, c'est avant tout, comme pour toutes les autres maladies, de faire le diagnostic et puis de l'expliquer. On m'a proposé l'hypnose avec une hypnothérapeute qui justement fait ce travail sur la réappropriation du corps, sur la fin de la dissociation neurologique, faire en sorte de dire que mon corps gauche et mon corps droit ne font qu'un. Le kiné, qui est lui spécialisé dans les troubles neurologiques fonctionnels, donc alors ça va pas être des séances de kiné classiques, ça va être des séances de kiné qui vont consister à voir quel type de mouvement j'arrive à faire et quel type de mouvement je n'arrive pas à faire. Il y a une étude qui a été publiée cette année sur 5000 patients ayant un trouble moteur fonctionnel. La proportion de femmes dans cette population était de 72%. Donc clairement, les femmes sont plus touchées. Un des facteurs qui prédispose, qui rend vulnérable à faire ce type de trouble neurologique fonctionnel, c'est des traumatismes psychiques qui peuvent être de la maltraitance émotionnelle, maltraitance physique et évidemment des abus sexuels. Or, on sait que les femmes sont plus victimes que les hommes. Une des hypothèses, c'est est-ce que finalement, il n'y a pas aussi un sous-diagnostic chez l'homme ? On sait qu'une femme va être rapidement étiquetée comme hystérique, effectivement, avec cette vieille terminologie. Et puis, chez un homme, on va plus facilement dire qu'il souffre d'un burn-out ou après un conflit à la guerre, qu'il a des séquelles psychologiques, un shell-shock syndrome, comme disent les anglo-saxons. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un sous-diagnostic chez les hommes ? Parce que nos préjugés font qu'on pense moins à ce diagnostic chez les hommes. La question a toujours été, une femme tremble, pourquoi ? Pendant des années, à la fin du XXe siècle, les médecins ont usé avec allégresse de l'expression « sans cause organique ». L'hystérie était une maladie psychologique dépourvue de cause organique. Les gens se retrouvaient paralysés, aveugles, frappés de convulsions, sans la moindre cause organique. Comment cela se pouvait-il ? Sauf à croire que des fantômes, des esprits ou des démons fondaient du ciel ou de l'enfer afin de prendre le contrôle du corps de quelqu'un. Comment pouvait-on soutenir qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène organique, physique ? Certes, l'expérience que je fais de la vie dans ma propre tête a quelque chose de magique. Qu'est-ce qui est organique ? Qu'est-ce qui est anorganique ? Moi, je suis en train de continuer l'annuaire avec les sophrologues. Ouais. La semaine dernière, j'étais au département 14. Et aujourd'hui, là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis au département 64, donc je suis super contente. C'est une sacrée mission. Le collectif CAPTNF, sous son nouveau statut d'association, contacte partout en France des neurologues, des psychiatres, des sophrologues, pour les informer et les former aux troubles neurologiques fonctionnels et créer ainsi un annuaire de soignants référents. Moi, je suis arrivée ici, d'abord, j'ai eu un diagnostic d'épilepsie. J'ai été traitée avec beaucoup d'antiépileptiques, beaucoup de cachets qui m'assommaient complètement. C'était des doses limites de cheval. Et au bout d'un moment, j'ai décidé d'aller sur Lyon pour rencontrer un épileptologue. Parce que je comprenais pas qu'avec autant de traitements, il y avait zéro amélioration. Et donc là, on m'a fait faire un EEG vidéo. Du coup, on m'a diagnostiqué donc à ce moment-là les TNF et les CNEP, les crises non épileptiques psychogènes. Ils suspectaient donc des crises d'épilepsie depuis l'âge de 15-16 ans. Mais en fait, non, ces crises-là étaient déjà des crises de CNEP. Je n'ai jamais été épileptique, en fait. Le début des CNEP, ça correspond à, on va dire, à un choc post-traumatique. Après, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu trop compliqué encore pour moi. En fait, il y a eu une accumulation de chocs pendant ma jeunesse et mon enfance. Et donc, pas de suivi. Du coup, j'ai dû apprendre à me débrouiller toute seule, à avancer toute seule. Et comme on m'a appris ici, en fait, j'ai mis en place des moyens de défense comme je pouvais. Et ces moyens de défense, c'est les CNEP, les crises dissociatives et, et ces choses-là. Donc du coup, après c'est de l'ordre de l'inconscient, c'est de l'ordre de l'émotionnel. Je vais peut-être voir une couleur, sentir une odeur, et sans m'en rendre compte moi, mais mon corps et mon cerveau, eux, se souviennent et du coup ils coupent le contact. Et c'est ça qui est très compliqué dans cette pathologie-là, quoi. C'était la première fois pour toutes et tous que vous rencontriez ici des gens qui avaient la même chose que vous. Oui. Non, puis en plus on en apprend à chaque fois, quoi. Moi, dernièrement, je me suis dit bah c'est bon, là j'ai ouvert pas mal de portes et encore la semaine dernière, il y en a encore une qui s'est ouverte comme ça par magie, donc. C'est pas ma faute. Ouais, non, c'est compliqué, mais. Moi, ce qui me fait vraiment du bien ici, c'est la sophrologie, parce que ça me permet de faire on-off après les semaines qui sont compliquées, tout ce que je mets en place. Et après, avec la sophrologue, eh ben, on arrive à diminuer un peu les ruminations. Tout ça, ça fait un sas de bienveillance et qui est très, très important pour moi, en tout cas. L'ambiguïté est intrinsèquement contradictoire et insoluble. Étourdissante vérité de brouillard et de brume, figure indiscernable, fantôme, souvenir ou rêve qui ne peut être enfermé ni retenu dans mes mains parce que, toujours, cela s'envole. En mai 2006, je me suis levée sous un ciel bleu sans nuages et j'ai commencé à parler de mon père qui était mort depuis plus de 2 ans. Dès que j'ai ouvert la bouche, je me suis mise à trembler violemment. J'ai tremblé ce jour-là, et puis j'ai tremblé à nouveau d'autres fois. Je suis la femme qui tremble. Les fantômes de l'hystérie, avec Béatrice Garcin, Coraline Ingray, Nicole Edelman, Haute Fauvel, Sylvia Lippi, Aurélie Cachera, Julia Legrand, Marianne, Yannick Ripa, Lucie, Linda, Aurélia, David et Ruben, de l'association CapTNF, accompagnée par Sarah. Merci à Hervé Mazurel, Hervé Guimin, Mathieu Bellassène, l'équipe du Musée d'Histoire de la Médecine et au Centre Bipolaire de Lyon, ainsi qu'à l'association Comme des Fous. Documentation sonore et musicale, Marion Guilaine, Antoine Villoz, Abigail Sands et Mylène Touché. Prise de son, Yann Frécy, Élise Leu, Titouan Oex. Mixage, Antoine Viossa. Lecture, Mélissa Barbeau et Estelle Meyer. La série documentaire, Perrine Carvran, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Les fantômes de l'hystérie, une série de Pauline Chanu réalisée par Annabelle Brouard.